Kim Yong-nam, président du Présidium de l'Assemblée populaire suprême de la République populaire démocratique de Corée, a envoyé le 4 un message de félicitations à Macky Sall, président de la République du Sénégal, à l'occasion du 57e anniversaire de l'indépendance de son pays. Le destinataire s'est exprimé convaincu du développement continu des excellentes relations d'amitié et de coopération entre les deux pays et a souhaité santé et bonheur au destinataire, ainsi que progrès et prospérité au peuple sénégalais.